Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la création de l'Office de la langue française en 1961. C'est que le Québécois prend de plus en plus conscience qu'il doit, s'il veut survivre, et surtout s'il veut vivre, parler de plus en plus une bonne langue, une langue correcte, un français qui soit une langue de grande communication et qui situe d'emblée le Québec, sur le plan linguistique et culturel, n'est-ce pas, dans le concert des nations. Maurice Beaulieu, le directeur de l'Office de la langue française à l'émission Langue vivante en 1967, il décrit dans cet extrait l'état d'esprit dans lequel va naître l'Office et le contexte dans lequel il fera ses premiers pas. Conscient de la nécessité d'améliorer la qualité du français parlé et écrit au Québec, le gouvernement de Jean Lesage va créer, en pleine Révolution tranquille, l'Office de la langue française. D'autres services, ai-je dit, sont encore en chantier. Celui dont l'établissement s'impose avec la plus grande urgence paraît bien être l'Office de la langue française prévu dans la loi instituant le ministère des Affaires culturelles. La langue informe, qui se parle ici, la langue incohérente, qui s'écrit ici, la langue morte, qui s'enseigne ici, ce sabir innommable est au sens propre une langue dégénérée. Ce parler exprime, au sens propre toujours, une décomposition, une désintégration. Je serais gêné que l'on prît ces propos pour une semonce et navré qu'on y vit du dénigrement. Simplement, j'estime qu'il est temps que nous ouvrions les yeux. Nous ne devons pas attendre que d'autres nous les ouvrent. L'historien Guy Frégaud, qui a été le premier sous-ministre du ministère québécois des Affaires culturelles lors d'un discours qu'il prononce en janvier 1962 pour nous raconter l'histoire de l'Office de la langue française, aujourd'hui devenu Office québécois de la langue française. Mon invité est la linguiste et lexicographe Marie-Ève de Villers, qui a travaillé à l'Office dans les années 70 et 80, qui est auteure également du multidictionnaire de la langue française. Marie-Ève de Villers, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. On a déjà quelques éléments de réponse dans ce qu'on vient d'entendre, dans ce que Guy Frégaud disait déjà en 1962, mais parlez-nous quand même de ce contexte. Dans quel contexte est créé l'Office de la langue française en 1961? Alors, on a André Laurendeau qui écrit un billet dans Le Devoir sous le pseudonyme de Candide et qui s'inquiète de la qualité de la langue au Québec. Le frère un tel, donc Jean-Paul Desbiens, lui aussi renchérit, publie un ouvrage, Les insolences du frère un tel, et qui reçoit une très grande diffusion et qui alerte au fond la communauté sur les périls que connaît la langue française au Québec. Ouais. Bon, il me semble que M. Frégaud est un peu sévère, ouais, mais tout de même, il y a une prise de conscience très importante. On s'inquiète. On s'inquiète et le ministère des Affaires culturelles est créé et en même temps, on crée, ouais, un office de la langue française qui est très modeste, qui dispose d'un petit effectif de 3 personnes sous la direction de Maurice Beaulieu, que, ouais, nous venons d'entendre, et qui se donne pour objectif de définir la norme du français parlé, ouais, et écrit au Québec, de l'usage qui est valorisé, ouais, par la communauté. Au début, là, au tout début, c'est 3 employés, puis bon, ça va grossir, mais à quoi s'attaque en priorité l'Office à ses tout débuts? Alors, on publie un petit document, un petit feuillet, pour ainsi dire, qui tente de définir les aspects qu'il faut valoriser. Donc, on dit cap sur le français international, mais pour autant, on n'évite pas non plus les canadianismes, ouais, en disant, ben, il faudrait, on a besoin de certains mots pour décrire nos réalités, les réalités qui nous sont propres. Et donc, on va publier un petit recueil très intéressant qui s'intitule « Les canadianismes de bon aloi ». Ouais. Il y a des amérindianismes dans ce recueil. Par exemple, Atoka, oui, pour les canneberges. On a Kakaoui, un type d'oiseau. Donc, c'est surtout la faune et la flore, oui, du Québec. Pour mais des réalités très concrètes aussi qui, oui, nous touchent, nous, bancs de neige, par exemple. Des bancs de neige, ouais, une cabane à sucre. On emploie le terme cèdre pour tuya. Fin de semaine, UA, maintenant, qui nomme la pièce de monnaie, la poudrerie, une souffleuse. Donc, ces termes sont répertoriés dans ce document. Mais ça, c'est important parce que c'est à la fois, donc, dès le début de l'Office, cette volonté d'améliorer la langue écrite et parlée, qu'elle corresponde, que ce soit un français, en fait, qui soit de qualité internationale, qui se reconnaisse partout, mais en ne perdant pas en ce qui nous définit. Des emplois qui nous sont propres. Ouais. Il y a une identité québécoise dont, qu'on veut refléter dans cette langue. Exactement. Qu'on est à, alors, parfaire. On publie, donc l'organisme au cours des 10 premières années publie un petit bulletin qui s'intitule « Mieux dire ouais. » et un vocabulaire des assurances sociales, un vocabulaire des assurances sur la vie, le vocabulaire bilingue de la radio et de la télévision en collaboration avec Radio-Canada. Ouais. Et quel français devons-nous enseigner? Oui. Donc ça, c'est très important aussi. Et dès le début, ça c'est fascinant parce que ce sera le combat, l'éternel combat de l'Office, la lutte contre les anglicismes. Oui, c'est ce qui inquiétait le plus et c'est ce qui était décrit d'ailleurs dans les documents du frère Untel. Et depuis la parution des tout premiers lexiques, ce sont toujours les anglicismes oui. que nous avons combattus, tentés de combattre, oui. évidemment, parce que l'influence de la langue anglaise étant tellement prépondérante, oui. Elle entrait dans toutes les sphères de l'activité de la population. Donc ça, c'est le début, les bases sont posées, et puis ça s'inscrit aussi, on ne l'a pas dit, mais ça s'inscrit dans la modernisation, dans la création d'un État moderne au Québec. C'est la Révolution tranquille, donc c'est normal qu'il y ait un office qui s'occupe des questions de linguistique. En 70, le gouvernement libéral de Robert Bourassa est élu, décide de réorienter le mandat de l'office. On demande à l'office de travailler à faire du français la langue de travail. Ça, c'est une charnière, une réorientation très importante, Marie-Ève de Villers. Ça va conduire à ce qu'on va appeler les grands chantiers de terminologie. C'est une période fascinante qu'on a oubliée, en tout cas la plupart des auditeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à l'Office, et plus qu'à l'Office, partout dans la société québécoise? Exactement. C'est un moment, et par une chance inouïe, j'ai eu le privilège de travailler à ces grands chantiers. Je suis entrée à l'Office en 1970. Et Robert Bourassa, le Parti libéral dirigé par Robert Bourassa, venait d'être élu. Et dans les slogans de sa campagne électorale, il avait dit « faire du français la langue de travail ouais. ». C'était un des slogans les plus importants qu'il avait martelé tout au long de la campagne. Il est élu, donc il donne suite à cette promesse électorale, pour une fois, ouais. une promesse qui est respectée, et là, donne des moyens considérables au petit organisme qu'était l'Office de la langue française, de 3 personnes seulement, donc augmente considérablement. On recrute des jeunes linguistes nouvellement formés, ouais. issus de l'université, sous la direction éclairée du linguiste Jean-Claude Corbet. Oui. Et là, ce qui est très important, c'est la francisation des secteurs d'activité économique. Oui. Et Jean-Claude Corbet... Du langage technique, souvent. Hein, oui, et de oui. la langue spécialisée, des terminologies, en quelque oui. sorte. Et Jean-Claude Corbet, très ingénieusement, découpe, fait un partage des tâches avec l'organisme, l'Office de la langue française, ainsi que les grandes entreprises qui ont été réunies par Robert Bourassa, qui leur a expliqué son idée. Et les entreprises ont été d'accord. Et ce qui est assez fascinant, encore une fois, avec le recul, on perd ça de vue. À ce moment-là, c'est comme une tâche collective. Tout le monde Exactement. Met la main à la pâte. Il y a des terminologues oui. à l'embauche, évidemment, de l'Office, mais de grandes entreprises oui. ont à leur service des linguistes, des terminologues. Ça a commencé à l'Office, d'abord. Oui. Et là, 2 grands secteurs ont été déterminés, un tronc commun industriel. Et là, on faisait des travaux, des recherches. Un terminologue était nommé pour chacun de ces secteurs d'activité économique. La sidérurgie, par exemple, le raffinage du pétrole. Donc, franciser, trouver des termes français. L'entreprise manufacturière, l'exploitation des mines, les pêches, tous les grands secteurs d'activité économique. On dit, on va trouver les termes français qui correspondent, qui sont un tronc commun, oui. qui servent à toutes ces entreprises. Et ça, ce sera l'Office qui s'en chargera oui. avec ces terminologues. Un autre grand tronc commun était le tronc commun de la gestion que mm-hmm. je dirigeais. Mm-hmm. Et là, il s'agissait de trouver les termes administratifs présents dans toutes les organisations. La comptabilité avec l'Ordre des comptables agréés, l'Institut des comptables agréés, la gestion de la production, les conventions collectives, les organigrammes, tout était en anglais. Et des trucs très, très concrets. Et qui servaient à toutes les entreprises. Le français au bureau, qui sera un grand, grand succès de l'Office. Là, il est embryonnaire à cette époque. À ce moment-là. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est comment écrire une lettre. Ça va devenir un classique, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Mais donc, on dit... L'Office se charge de ce qui est commun à toutes les entreprises, à toutes les organisations, mais les entreprises, les grandes entreprises, se chargent de leur propre terminologie. Ouais. Hydro-Québec avait commencé à le faire avant l'arrivée de l'Office, des terminologues à l'Office, mais là, IBM avec l'informatique, Téléglobe pour les télécommunications, Radio-Canada pour les termes de la radio et de la télévision. Donc, ce qui s'est passé à l'Office a essaimé, il y a eu une effervescence incroyable. Avec des retombées concrètes, vous parlez d'Hydro-Québec, ça veut dire, soyons clairs, Marie-Ève de Villers, que ces grands chantiers, par exemple, ces grands barrages de la Côte-Nord, seront construits, ces ouvrages-là, en français. Oui. Et là, c'est Hydro-Québec, qui avait un très grand service linguistique, qui existe toujours, mais à l'époque, qui était vraiment très important, parce que tout le secteur de l'électricité, c'était en anglais auparavant. Un exemple qui va rappeler de bons souvenirs à beaucoup de nos auditeurs et qui touche à la fois les secteurs concernés, mais le grand public, le vocabulaire de l'automobile. Alors, ça a été un grand succès aussi. Énorme, de la regrettée Anne-Marie Beaudoin, qui était la terminologue responsable. Eh bien, on enseignait la mécanique dans les écoles des métiers de l'automobile en anglais. On fabriquait des voitures à Saint-Jérôme en anglais. Ouais. Le consommateur qui faisait réparer sa voiture à un atelier de mécanique ou qui achetait une voiture chez le concessionnaire, toute la documentation était en anglais. Ouais. Or, toute la terminologie existait, française, de la voiture. Mais ce qui est fabuleux, c'est que tout le monde, à cette époque-là, parlait de windshield pour pare-brise. De wipers, de tire. Bon. Et il y a eu un virage, là. Il y a eu une francisation. Et ça a touché toute la population. Voilà. Et évidemment, l'enseignement de cette matière. Même chose pour les termes comptables ou les termes de la gestion. On se disait, bon, c'est en anglais, mais non, tout ça existait en français et ça a été mis à la disposition des entreprises, des organismes et chacun a bien reçu cette terminologie française. Autre charnière importante, l'élection du Parti québécois en 1976 et surtout donc pour ce qui est de l'Office, l'adoption de la Charte de la langue française l'année suivante en 1977. On écoute le ministre responsable de la Charte, Camille Lorrain, expliquer les grands objectifs de la loi 101 à l'émission aux 20h du 6 avril 1977. Nous voudrions que cette Charte reconnaisse qu'au Québec existe un peuple enraciné ici depuis 400 ans. Qui, depuis les origines, possède sa langue, sa culture, une culture originale qu'il faut protéger et développer. Une culture et une langue qui sont beaucoup plus qu'un moyen de communication, mais un milieu de vie, une façon d'être, de créer, d'établir des relations avec les autres. C'est d'abord ça que nous voulons affirmer. Alors, qu'est-ce que ça va changer, Marie-Ève de Villers, l'adoption de la loi 101 pour l'Office québécois de la langue, à ce moment-là, l'Office de la langue française? Absolument. On avait déjà quand même l'adoption de la loi sur la langue officielle en 1974 qui rendait le français la seule langue officielle du Québec. On croit souvent que c'est le Parti québécois, mais c'était le Parti libéral antérieurement. Le gros du travail des chantiers terminologiques, en fait, ils ont été lancés par le Parti libéral de Robert Bourassa. Mais par contre, évidemment, la Charte de la langue française venait là instaurer un contexte, là, vraiment une loi fondamentale qui modifiait la donne considérablement. Sur la place du français dans l'espace public. Dans l'espace public, dans l'affichage. Pour l'affichage unilingue, évidemment pour la langue de l'enseignement. L'Office n'était pas parti à cette dimension, mais le libre choix de la langue d'enseignement n'était plus possible pour les nouveaux arrivants. Donc très important. Et ça, c'est capital, évidemment. Dans cette démarche que vous aviez amorcée déjà, que l'Office avait amorcée sous le gouvernement de M. Bourassa, mais la francisation qui se poursuit, qui franchit un pas de plus, entre autres avec l'affichage commercial et avec l'enseignement pour les immigrants, l'enseignement en français. Parlons de l'inventivité de l'Office, parce que c'est assez formidable aussi. L'Office va avoir un rôle important pour trouver de nouveaux mots. Il y a une réalité nouvelle qui apparaît. Je pense évidemment au fameux courriel qui remplace email. La réalité apparaît. Elle est la plupart du temps, cette réalité nouvelle, désignée en anglais. Et, oups, il y a courriel, mais il y en a plein d'autres termes qui ont été créés, oui, inventés par l'Office. Il y a aussi le fait de nouvelles réalités. Bon, pensons aux anciens clubs de pêche et de chasse qui étaient privés et qui sont nationalisés. Bon, il faut un nouveau nom pour nommer cette réalité. Donc, l'Office propose pourvoirie. Oui. On a les magasins de proximité qui étaient des convenience stores. L'Office propose dépanneurs. Oui. On monte souvent en épingle quelques suggestions malheureuses de l'organisme, comme chien chaud ou gaminet, qui n'a jamais été proposé par l'Office d'ailleurs. C'était plutôt un linguiste du journal Le Monde et qui l'avait proposé. Oui. Mais il y a eu quelques suggestions malheureuses qui n'ont pas été retenues, mais par ailleurs, des milliers d'autres qui ont été retenues. Mais qu'est-ce qui fait... On écoute un dernier extrait, puis on va revenir là-dessus, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'une suggestion de l'Office passe ou ne passe pas? L'extrait que vous allez entendre, il va vous faire sourire parce qu'il est un peu anecdotique, mais quand même. Émission diffusée en 1983, le terminologue de l'Office à l'époque, Pierre Auger, qui est presque piégé par le journaliste Richard Vigneault, qui lui parle d'un ouvrage qu'a publié l'Office sur 800 phobies qui sont nommées dans cet ouvrage, et c'est critiquer cet ouvrage parce qu'on dit, mais quand même, c'est peut-être un petit peu pointu et savant, mais on revient là-dessus parce qu'il y a une vraie question au-delà de l'anecdote. Dans le football, par exemple, ici, je lis la phobie qui est accolée à ce nom, c'est podosphérisophobie. Oui. Bon, alors, ça vient d'où? Ben, ça vient du grec. Podos, c'est sûrement le pied. Sphéris, c'est la sphère. Alors, la sphère qu'on pousse avec le pied. Alors, la phobie de la sphère qu'on pousse avec le pied. Qui nous donnerait la phobie du football. Bon, puis le hockey maintenant. Alors, le hockey, c'est la crainte ou la peur maladive du hockey, la pagodromagonophobie. Pas facile à lire, hein? Non. Celui-là, je ne pourrais pas dire exactement d'où il vient. Bon, alors, je vous en pose une autre colle, quasiment. Alors, quelque chose de savoureux, si vous voulez, on va essayer avec celui-là. Lorsqu'on déteste la soupe au pois, très répandue ici aussi, la pisosomophobie. Ah oui, là, ici, mais il y a pisos, pois, et somos, c'est le potage, donc avoir horreur de la soupe au pois. Ah, évidemment, ça fait rire ce qu'on vient d'entendre, puis c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Est-ce que c'est un dérapage? Je ne le sais pas. Mais enfin, la vraie question, Marie-Ève de Villers, c'est qu'est-ce qui fait qu'une suggestion de nouveaux mots passe ou ne passe pas? C'est très mystérieux. On ne connaît pas du tout les critères, les facteurs qui favorisent, au fond, l'adoption d'un terme. Mais je dirais que d'arriver au bon moment, de ne pas arriver trop tard. Quand on a tenté de traduire « marketing », c'était dans mon domaine, on avait « mercatique » qui aurait très bien pu fonctionner, tout comme « informatique » a très bien fonctionné. Oui. Mais on est arrivé trop tard. Le terme était déjà implanté. Établi, ouais. L'usage... Mais la forme du mot aurait permis d'avoir des mercaticiens, on aurait l'adjectif, le nom, rien à redire, mais on est arrivé trop tard. Ouais. Mais je dirais que pour les mots qui ont réussi, par exemple courriel, qui ont donné lieu après à d'autres dérivés comme pourriel, bon, évidemment fondé sur logiciel, balado-diffusion, on peut écouter votre émission en balado, les balados, info nuagique, égo-portrait, qui est une invention en fait du journaliste Fabien Deglise du Devoir, mais qui a été repris par l'Office et recommandé. Et ça, c'est formidable parce que ce sont de beaux mots, des mots français, et qui nous rappellent que le Québec est quand même à l'avant-garde parce qu'on les utilise, nous, ces mots. Ils ont passé la rampe, ils sont dans l'usage courant, alors qu'en France, il y a encore une résistance, mais on ne s'embarquera pas là-dessus. Mais c'est vrai, c'est important parce que quand le terme est bien formé, quand il arrive à temps, et on a besoin ici d'un terme français, quand on veut rédiger un texte dans la langue soutenue, quand on doit s'exprimer, alors si le terme qui est préconisé par l'organisme et répond à ses caractéristiques, eh bien, il est adopté. Ouais. Ici, il y a une très bonne réceptivité, contrairement à d'autres lieux de la francophonie où l'État ne doit pas s'ingérer dans la langue. Notre contexte fait que, et on revient à la création, il y a une urgence, il y a une obligation chez nous de s'occuper du français. Nous, on est encore menacé et ça fait qu'on est avant-gardiste, ce qui m'amène à parler d'un autre champ où le fils et vous-même avez été très avant-gardiste, la féminisation. C'est sous l'impulsion de la ministre Payette en 1976 que commence ce vaste chantier-là. Racontez-nous cette histoire. Vous avez eu un rôle direct dans le début de ce chantier de la féminisation. C'est vrai. Alors, Lise Payette et d'autres députés viennent d'être élus. Le Parti québécois est au pouvoir et Lise Payette est nommée ministre. Et à l'époque, c'était Madame le ministre dans la francophonie. Et elle réclame d'être nommée une ministre, oui. Madame la ministre, et ses collègues élus députés, députés-e. Alors, l'Assemblée nationale demande un avis officiel à l'Office de la langue française. Si une élue du Parti québécois est nommée à la présidence de l'Assemblée nationale, pourrons-nous dire Madame la présidente ou devrons-nous dire Madame le président? Oui. Et une ministre, un ou une députée. Comme j'étais responsable de la terminologie de la gestion, Jean-Claude Corbeil m'a confié le mandat de rédiger un avis officiel sur la question. Et là, je fais enquête en France, au Parlement européen, pour évidemment avoir pour réponse du protocole, c'est Madame le Président. C'était Simone Veil qui était à la présidence du Parlement européen. Et Madame le Ministre, Madame le Député. Cependant, l'étude des textes des grands linguistes montre qu'il n'y a aucun problème à féminiser les titres de fonction. Et même dans le cas des êtres animés, c'est le genre naturel correspond au genre grammatical. Un homme, une femme, un oncle, une tante, un frère, une sœur. Et dans les professions d'ailleurs plus modestes, un boulanger, une boulangère, un instituteur, une institutrice, en général, ça correspond au genre naturel. Donc, on a dit oui, il faut employer le féminin, il faut accepter cette demande des nouvelles élues. Et ça a été le début, encore une fois, d'un vaste chantier de féminisation des titres. Et l'Office a publié à la Gazette officielle un avis officiel par la suite qui a été tout de suite repris dans la société parce qu'on était prêts. En terminant, Marie-Ève de Villard, comment mesurer l'héritage que nous laisse l'Office? À quoi ressemblerait le Québec si l'Office n'avait pas existé? Je dirais que l'Office nous a donné une conscience très importante, la conscience qu'il était légitime et possible de travailler en français au Québec. Oui. On a également avec l'Office un grand dictionnaire terminologique qui est consulté dans le monde entier, 54 millions de consultations par année, des ouvrages de référence qui répondent aux besoins particuliers des Québécois. Oui. Et surtout, une confiance, une fierté retrouvée en la langue française, en le français du Québec. Et une confiance qu'il faut préserver. Et qui est assez unique. Tout ça est assez unique au monde. On peut s'en faire une fierté à juste titre. Marie-Ève de Villard, linguiste, lexicographe, auteur du multidictionnaire de la langue française. Merci infiniment d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.